compte le peuple une seconde fois. Non plus pour le combat, mais pour la suite. Les anciens tombent doucement, et une génération prend la route. Les noms changent, les chiffres aussi, mais ton projet reste intact. Tu écris l'histoire sans t'arrêter. Quand l'homme arrive à la dernière page, tu nous montres que la mort ne brise pas ce que tu as semé dans l'alliance. Ce que tu commences, tu l'achèves de génération. Ta fidélité traverse le temps. Ce que tu commences, tu l'achèves de générer.